Radio Nostalgie 101.1 Abidjan, 90.3 Dakar. Natia ya na mote mananga mobimba sere. Boni yonko tango nga pasi na mote mango. Yuzali wanga solo moninga. Nalinga kami kolonyo soto mona naka. So kipe mite maya bato mi mona naka. Yanga boni kona pesaka Yanga ameta Motema ekolo bela yo Louis, il vient juste après moi Ziggy Marley Ziggy de boule, de boule Le grand frère du joueur le plus célèbre de l'an 2000 Daddy Boula, le bogard Chanti kotano, kouaye langaba sango Sango na yo, ae vingaye Yanokyo kabakanga na banima mousousou Na sengi ata amite zala Sa kringolo de London Ona sili sa pasi ya kolela na yo kobonga Na senga ye lakanga Amour du prochain Na mote madanga na mipesa na maka nisima yo Paul Botombia, Paul Meonga. Frida Mouchi, tour du monde, j'en sais Mouchi. Papi le mène à Israël, Koumou et Mabé lui blesse de Noulé. Naïna Nimite, Naïna Kimare, Naïna Kotama, Naïna Makanisi, Naïna Katabandoto, Naïna Mimeble, Naïna Somba, Naïna Koma, Amen, Naïna Kayo. Ne serait-il pas une fatalité pour la mort? Le top et top blesse nid. Malanimité, Jimmy Manono, Guy Montana. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Amam, Simba, Aboué, Amam. Il est un Kadish en Abidjan. Moninga Yolali Yoloti. Yokomi Ahmed Bakayoko. Le demi-dieu, il est permis de rêver. Moninga Lotan. J'y peux aller chez toi. La réalité, Poué, Baï, Paosa. Sur mon Akiti Kuala. Michael le sas, sûrement la Katial Katrase. Et osa toujours chez les parents au Coco Mampaka. Kosa Ahmed Tikabalo, Badjedje Pierre Ayebi. Kosa Ahmed Balo, Ibrahim Diallo. Finie, Otongie, Okaniti Bokobuma. Nase Ande Tamanga Yokandenge, Bado Sasa Nostalgie. Mawate, Okutu Yayete, Représentation Yapamba. Sa chaîne à faux, Balanda Kanadi Janté, appareil tout dépassé. Mais pourquoi toutes ces calomnies? Sam John, nous comme on va la chasse. Baïna, Stagina, Zanapole, Africa. Bayamana, Radio, Mora, Mokolon, Pakabalanda, pour être mieux informé. Sénégal, Mali, Paris, Lomé, tout le monde entier. Ahmed Bakayoko, bosse de bosse. L'incomparable Yves Junior Zobo Nostalgie Monsieur propre l'indomptable Yves Dembella Nostalgie Patrick Gaïna Bidjan Ayokanga Nostalgie Mamou oh, oh, oh, Eric Dijan Nostalgie Mamou Eric Mambo Nostalgie La Java Halette Ke Ametan wa ena poukanzi la moumbe Soua iwe tout la koumbe Soukou bala bala Émérite Balema La Java, la meilleure Gaïtan la pour quand il a mon messe Ouai, ouai, tout la coumé Soubou, bala, bala Tout, tout, tout, bien Ah Iter monana Césaré, ouate l'impasse Amina, ouate l'impasse Ouadile, ouadile ma Ouadila Gilou Kof grand comme un narcisse Les jeunes langues, les singamont, les milissons, s'il vous plaît. Jetez des passages. Yawili qui l'a pas connu, Nicolas, mais ça boule à ma coupe. Mon nom vient côté les sectes. Nada, nada, nada, nada. C'est ma sacre, si ma c'est pas n'importe qui. Louisi Abalolo. Basoba, Diego Matumana, Diclemon Bongo.